Alléluia. You are welcome. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Wir heißen Leute immer in Jesus Namen willkommen. On doit toujours dire les gens, on doit toujours souhaiter les bien, souhaiter aux gens les bienvenus, les dire comment on dit ça. Oui. Amen. Au nom de Jésus Christ, être le bienvenu. Can we welcome people through two names? Leute nur durch zwei Namen willkommen heißen, entweder im Namen von Christus oder im Namen des Satans. Tu peux dire aux gens qu'ils puissent être les bienvenus seulement dans deux noms, ou c'est le nom de diable ou c'est le nom de Jésus Christ lui-même. A lot welcome one another in the name of the family. Viele heißen Menschen im Namen ihrer Familie willkommen. Il y a beaucoup de gens qui disent que au nom de notre famille, tu es le bienvenu. And that is welcoming them in the name of Satan. Und das ist aber auch sie im Namen des Satans willkommen heißen. Dans le nom de la famille, c'est comme c'est en train de Dieu en train de souhaiter les bienvenus dans le nom du diable parce que c'est le nom de la famille et pas le nom de Jésus-Christ. Learn to welcome people in the name of Christ. Lerne Leute im Namen von Christus willkommen zu heißen. Apprends à souhaiter les gens les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ et pas à travers le nom autre nom. It means everything must be Christ Jesus. Das heißt, alles muss Christus Jesus sein. Parce que quand tu souhaites quelqu'un les bienvenus au nom de Jésus-Christ, ça signifie qu'il s'agit dans tout, il s'agit que de Jésus-Christ lui-même. And we are not, you know, we should be the family of Christ alone for us. Und es sollte die Familie von Christus allein sein. Et c'est pour cela chez nous, ça doit toujours se traiter, ça doit toujours être la famille de Jésus-Christ lui-même. There's nothing like my family, my natural family, and then the family of Christ. Es gibt nichts wie meine natürliche Familie und die Familie von Christus. Parce qu'il n'y a pas quelque chose comme ma famille naturelle et ma famille spirituelle. It must be that of Christ alone. Es muss das von Christus allein sein. Parce qu'on n'a qu'une famille et ça c'est la famille en Christ. And that's why you can see it in the life of Jesus Christ. Und deswegen können wir das sehen im Leben von Jesus Christus. Et ça tu pouvais aussi le voir dans la vie de Jésus Christ. And that's why for him, his mother is you and me. Deswegen and not Mary. Wir auch seine Mutter und sein Vater. Et c'est pour cela pour lui sa famille c'était pas Marie, c'était toi et moi. C'est ce que même il a dit. His mother, his father, his brother and sister is you and me. And not Mary or Joseph or the natural the Mary's children. Are you getting? Lui-même il a dit if que you don't believe to the true God, you don't belong to him. Il a dit que si tu ne crois pas au vrai bon seul vrai bon Dieu, toi tu n'appartiens pas à lui. Mais si tu lui appartiens, si tu le crois, c'est toi qui es sa mère, tu es son fils, tu es ses frères. Et il n'avait même pas considéré Marie lui elle-même ses frères charnels comme ses frères. Oui. Amen. Wenn du nicht zum wahrhaftigen Gott gehörst, dann kannst du nicht zu seiner Familie gehören. Amen. We have to grow. The growth should continue, please. Und wir müssen wachsen. Amen. Et on doit grandir. Notre croissance doit continuer. Grow out of the natural world. Herauswachsen aus der natürlichen Welt. On doit grandir et sortir du monde naturel. Amen. Amen. We no longer see the flesh, but the spirit. Du nicht mehr das Fleisch siehst, sondern den Geist. Là où on voit plus la chair, mais on voit que l'esprit. Where you no longer value the flesh, but the spirit. Wo du nicht mehr das Fleisch wertschätzt, sondern den Geist. Là où tu ne valorises plus la chair, mais tu valorises. Where you no longer desire the flesh, but the spirit. Wo du nicht mehr das Fleisch wünschst, aber den Geist. Là où tu ne souhaites plus, ou bien tu ne désires plus la chair, mais tu désires l'esprit. If anyone is to be proud of the flesh, it should be Paul. Wenn jemand stolz sein könnte auf das Fleisch, dann wäre es Paulus. S'il y a quelqu'un qui devrait être fier de la chair, ça allait être Paul. But he called them shit. Aber er hat das alles Mist genannt. Mais il a dit que toutes ces histoires-là, ce sont comme de la poubelle. Donc, amen. He called them shit. You know. Tous ces diplômes, il a dit que tous ces diplômes, ça ne sert plus à rien. He said everything, all of them. So that I can win Christ. Because it can never be the two together. Damit ich Christus gewinne, weil es kann niemals beides zusammen sein. Parce qu'il a dit que pour gagner l'éternel, tout ce que je possède, toutes mes positions, tous mes diplômes, je dois les voir comme des poubelles parce que je ne peux pas poursuivre mes diplômes et ce que j'ai et poursuivre et suivre Jésus-Christ dans le même moment. Donc c'est ou Jésus-Christ ou ces choses charnelles. Praise the Lord. Hallelujah. You know, yesterday we were in Garten. I was there with Papa and we were... You know, I was just thinking of a lot of things of the past, I said. Gestern waren wir im Garten und ich habe Papa und ich, wir haben ich habe sehr viel über die Vergangenheit nachgedacht. Et moi hier, j'étais avec papa et j'ai beaucoup pensé, j'ai pensé aussi beaucoup des histoires concernant le passé. Amen. You know, I said, you know, I remember when we were young with my brothers, with my sisters, they were saying they want to become someone, want to become crankishwester, a nurse, they want to become the teacher. I was not interested in anything at all. Mm-hmm. I said, which type of person am I? Said, I did not desire anything, nothing. Mm-hmm. They were all doing this, they were holding on to one thing or the other. Mm-hmm. But I was just there, stand still. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. I said, it means you were preparing me. Are you getting it? Mm-hmm. Und, allowing you to prepare me. Ich habe über meine Geschwister nachgedacht. Wie sie damals immer ein Ziel vor Augen hatten. Einer wollte Krankenschwester werden oder andere irgendwas Lehrer oder andere Sachen werden. Aber ich hatte nie wirklich Interesse daran, irgendwas dieser Sachen zu werden, sondern bei mir war es immer sowieso ein einfach Businesswoman. Vielleicht irgendwas verkaufen oder sowas. Aber ich hatte kein richtiges Ziel, woran ich mich festgehalten habe. Aber bei meinen Geschwistern war das anders. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht... Ja. Warte, geh nicht raus. Genau. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil meine Geschwister wissen alle, was sie werden wollen, aber ich habe gar keine Ahnung, gar keinen Plan und mich interessiert das auch eigentlich gar nicht. Das hat mich jetzt nicht nervös gemacht oder unsicher gemacht. Nur ich fand es halt einfach merkwürdig, dass ich nicht so ein Verlangen danach hatte, genau zu wissen, was ich machen werde. Et quand j'étais jeune, il y avait mes frères et sœurs, ils savaient toujours ce qu'ils voulaient être, ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, mais moi je ne le savais pas et je pensais que quelque chose oui, que quelque chose me manque ou bien pourquoi je n'ai pas un désir à être, par exemple, un docteur ou bien je ne sais pas quoi. Je n'avais pas de désir et je vois maintenant que c'est l'Éternel qui me préparait, voilà. You know, I never see others. Ich habe nie andere gesehen. Parce que je n'ai jamais vu les autres. Amen. Amen. I never compare I don't even know how to compare myself to others. Ich wusste doch nicht mal, wie man sich mit anderen vergleicht. Parce que je me suis jamais comparé aux autres. Je sais même pas comment on se compare aux autres personnes. I don't know how to look at others and look at myself. Ich weiß nicht, wie ich andere Leute anschaue und dann mich selbst anschauen soll. Je ne savais pas comment regarder d'abord les autres et puis regarder moi-même et puis comparer. Even when myself and Papa we now knew each other and we married, you know, my sisters they were off the Krankenschwester, the other one that they were different. I was just there. And you know, that's why I was able to even go and hug. You know what hug means? You know all these children hugging on the street. I was hugging when we married. I was hugging ice cream. I put water, ice cream. There's something you buy, you put it inside water. Then you tie them in a tutu, in body. You keep them in the freezer. When they are now blocked, you keep them in a cooler, this big cooler. I put it on my head and be hugging. Okay. Okay. Und weil ich halt nichts Festes hatte in dem Sinne, also keine Krankenschwester, Lehrerin oder sonstiges war, war ich halt auch in der Lage, nachdem ich dann geheiratet habe, dann halt zu handeln, auf der Straße Sachen zu verkaufen. Ich habe dann halt Eiswürfel fertig gemacht und dann mir einen Cooler reingeschmissen und dann Cooler auf meinen Kopf und bin dann rumgelaufen. One day it will fall from my head. Was? Diesen Kopf. This Kopf. Cooler is bigger. Buy ice cream here. Buy ice cream, yeah, I'm saying it every week in the market. You are one day, don't fade up from my head. I cried, I came home with empty. I said everything fell down. Genau, und eines Tages ist mir sogar dieser ganze Eiskübel dann halt runtergefallen. Ich habe so geweint, weil mir das so wehgetan hat, weil natürlich das ganze Geld natürlich weg, der ganze Tag umsonst. Und ja, und so habe ich halt einfach mein Geld nebenbei verdient. Und das war okay für mich. Et moi, je me comparais jamais, je ne disais pas que je veux être une infirmière, quelque chose comme ça. Et je n'avais même pas aussi une chose, une formation en main. Et c'est pour cela que j'étais capable même à partir dans des marchés et de vendre parce que je faisais moi-même de la glace Moi-même, je faisais de la glace avec quelque chose en poussière. Tu mets la glace au congélateur et puis tu le mets dans ta tête. Tu pars demander, tu pars au marché, tu demandes quelqu'un veut acheter. Et une fois même, c'est tombé. Je me suis même mis à pleurer parce que j'avais fait beaucoup de travail pour le faire. Et puis maintenant, tout est tombé. C'est tellement tombé comme ça. Et pour vous dire que j'étais, si je n'avais pas des formations, que c'est pour cela que j'étais capable même à vendre au marché. Et you know, ça ne m'importait pas, c'était OK. I saw that I was thinking of her. I did not even think that if I see my sister that is a cranky sister, if I see my sister that is a teacher, or my brother that is this, that is that, would they not laugh at me? For me, it's their business. I did not have that in my cough, in my head. There's nothing like that. So I was thinking of it yesterday. I said, why did I not even think such things? I never thought anything like that. Because I to be ashamed of anything, I was not there at all. Und zu der Zeit, als ich das dann halt gemacht habe, das verkauft habe, da waren meine Geschwister schon mitten im Leben, hatten schon ihre Jobs und hatten schon ihr Einkommen und sowas. Und ich habe mich nie mit denen verglichen, mir gedacht, boah, mein Bruder verdient gerade seine, keine Ahnung wie viel, und da meine Schwester hat jetzt gerade ihre neue Wohnung gekauft und guck mal, ich sitze hier auf der Straße und muss mein Eis aufheben oder muss irgendjemand versuchen, irgendjemand abzufangen von der Schule, der mein Eis vielleicht auch kaufen möchte. Diese Gedanken hatte ich gar nicht. Ich hatte gar nicht die Sicht zwischen denen und mir. Donc moi, mes yeux, c'était même pas, je ne voyais même pas que peut-être je pouvais avoir honte parce que mes frères et sœurs, ils ont fait de leur formation et ils ont un travail normal et moi, je suis en train de vendre dans un marché. Donc, ça m'intéressait pas. Je n'avais même pas des complexes. Donc, genre, tu as un peu honte ou bien tu es en train de te comparer et tu dis que est-ce que j'ai moins de valeur qu'eux, quelque chose comme ça. Ça, je ne le voyais pas. Je voyais que j'étais contente. Je me contentais de ce que je faisais en fait. I know that especially my immediate senior sister laugh at people very well. But I did not even remember him, think of her that she will even laugh at me. You understand? Nothing like that. Sometimes it's like the Lord just blind me towards everything. That I cannot even see the other side at all. And ich wusste auch, dass ich eine Schwester habe, die sich über jeden und alles lustig macht. Ne? Und ich habe auch selbst da nicht gedacht, okay, boah, die macht sich richtig Witze über mich. Und ich hoffe, die sieht mich nicht heute in meiner Schicht. Oder na, nicht, dass die dann über mich lästert oder über mich lacht oder dass der Familie weiterzieht. Ich hatte das gar nicht im Kopf. Und es ist so, als ob der Herr mich wirklich geblendet hat gegenüber all diesen giftigen und teuflischen Gedanken. Et moi, j'avais une sœur, par exemple, qui se moquait beaucoup des gens. Elle se moquait de tout et de rien. Et moi, ça m'intéressait même pas, donc c'était même pas que c'était comme si l'Éternel m'a aveuglé envers les moqueries de personnes, même de ma sœur qui est directement derrière moi, qui se moquait de tout le monde et de n'importe quoi. Et moi, ça me dérangeait pas, je ne considérais même pas. Praise the Lord. Alléluia. You know, there are special children of Christ. C'est des besondere Kinder von Christus. Il y a des enfants de Christ qui sont très, ils sont particuliers. Amen. And I thank the Lord that I chose him. Und ich danke dem Herrn, dass ich ihn gewählt habe. Et je remercie l'Éternel parce que j'ai été capable à lui choisir. Amen. Even when I was with my mother, I hawk a lot. After school, I have to go and sell something for my mother. We never allow her to sell anything. She would sit down at home. But we children, we sell for her. We go and make money, we are selling different things, we bring money home to her. So, from there, you know, my other sisters, my stepmother, the children never sell for her. She sell for herself. She go and hawk herself. But for my mother, we children, I'm the first. I just said, we are going to be working for her, not she working for us. I don't know where it came from, but I thank the Lord that it's coming from the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It helped me to see, never to see others. You know, the Lord knows us even from our mother's womb. He really knows us. Und I hope you understand. Und auch in der Familie, auch als ich bei meiner Mutter noch gewohnt habe, war es immer so, dass es einfach eine Regel war, dass nicht unsere Mutter halt rausgegangen ist, um Dinge zu verkaufen, sondern wir als Kinder uns immer auf den Weg gemacht haben, Dinge zu verkaufen. Wir haben verschiedene Sachen verkauft, dann haben die gesammelt, sind rausgegangen, haben dann den ganzen Tag damit verbracht und haben dann das Geld eingesammelt und wieder zurückgekommen und das Geld unserer Mutter gegeben. Ne? Weil ich immer gesagt habe, nee, du arbeitest nicht, du setzt dich hin, ne? Du kannst dich von mir aus um den Haushalt kümmern, ne? Unsere Klamotten waschen und kochen, also okay. aber das Arbeiten, das machen wir, erledigen wir für dich. Aber auf der anderen Seite, bei meiner Stiefmutter war das anders. Sie hat eher für die ganzen Kinder diese ganzen Sachen immer gekauft und gehandelt auf der Straße. Und die Kinder waren eher zu Hause. Und ich bin dankbar für diese Eigenschaft, weil der Heilige Geist mir dadurch geholfen hat. Der mir geholfen hat, dadurch nicht zu schade für Dinge zu sein, sozusagen. Also dass man halt nicht den Fokus immer auf andere hat oder den Fokus darauf hat, anderen Leuten etwas zu beweisen. Ne? Und, oder sich mit Leuten zu messen oder sich zu schämen für das, was man tut oder was man arbeitet. Dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Und das zeigt mir auch wieder, dass der Herr einfach einen von Anfang an schon ausersehen hat und behütet hat. En fait, chez nous, c'était un peu différent parce que nous, on était toujours différents. Moi, chez notre mère, c'est nous, on partait vendre des histoires pour notre mère et on lui amenait de l'argent à la maison. Moi, j'avais décidé, vu que j'étais l'aînée, j'avais décidé de ne pas qu'elle ne puisse plus travailler, mais de partir vendre pour elle. Mais l'autre femme de notre père, elle avait des enfants qui sont plus âgés. C'est elle qui travaillait pour tous les enfants. Donc, c'est elle qui partait vendre. Mais moi, j'avais décidé que nous, les enfants, on puisse faire le commerce. Donc, après l'école, on partait vendre de la glace, de l'eau, des histoires qu'on va trouver pour vendre. Et puis, on emmenait de l'argent à la maison. Et on ne voulait pas que notre mère puisse travailler. Donc, pour vous faire voir que chez nous, chez moi, tout était un peu différent que chez les autres. Before my father's death, my father never allowed us to hawk. But after his death, then with several wives, every wife have to face, it's not you and your children. You and your children. You can see it. Mm-hmm. Before the death of my father, we were all under the umbrella of my father. He was the one taking care. But now when he died, then each wife have to go there with their children. Though we were all in one compound, very big compound. And where my mother have our side, my stepmother have our side, the other family have their side, but all the same family. But it is now, you are now under your mom, the other one under your mom, no longer everybody under our father. Mm. Und dieses ganze Verkaufen ging natürlich auch los mit dem, als mein Vater dann halt verstorben ist. Weil damals war er immer noch der Kopf sozusagen von dem Ganzen, ne? Weil er hatte ja mehrere Frauen und diese Frauen hatten nochmal Kinder und wir waren sozusagen alle unter dem Schirm von meinem Vater. Aber als er dann halt verstorben ist, dann musste halt jede Frau sich um ihre eigenen Kinder kümmern, ne? Und gucken, wie sie dann über die Runden kommt, wie sie dann klarkommt. Also da war jetzt nicht nochmal einer, der dann gesagt hat, okay, ich übernehme jetzt den Part vom Vater und helfe allen, sondern jede Frau hat dann ihre eigenen Hennen sozusagen, ihre eigenen Küken sozusagen genommen und musste halt dann gucken, wie sie halt vorangeht. Und wie gesagt, bei einer meiner Stiefmütter, da war das so, dass sie dann halt für die Kinder dann halt arbeiten gegangen ist. Und bei uns war das halt so, dass wir gesagt haben, nee, du bleibst zu Hause, wir gehen für dich arbeiten und holen das Geld rein. Aber vorher musste keiner auf diese Art und Weise Geld verdienen, bevor mein Vater halt gegangen ist. Aber danach ging das dann alles los. En fait, avant, quand nous tous, on était sous la responsabilité, on vivait, comme mon père était encore en train de vivre, il était en vie, on habitait dans une très grande maison avec toutes les femmes de mon père et tous les enfants. On était tous sous la protection de notre père. Donc, on était tous sous, voilà. Oui, c'est lui qui nous nourrissait, en fait. Mais quand il est mort, chaque femme a dû partir ou bien prendre soin de ses propres enfants. Et c'est comme ça qu'après sa mort, tout ça est séparé un peu. Donc, c'est chaque femme prend soin de sa famille. Et c'est comme ça aussi que nous, on a dû aussi avoir des règles différentes, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. It is interesting how the Lord, you know, always takes care of us. Even from beginning. Interessant, wie der Herr auf uns aufpasst, Acht gibt, sogar vom Anfang an schon. Et c'est intéressant de voir comment l'Éternel prend soin de nous dès le commencement. You know, what people know today, you know, It was as if I was in Abraham's time. That, you know, there was nothing. Abraham never compares himself to others. Are you getting it? It was as if I was in that time. Even this time, today, that is the kingdom of heaven today. Amen. That you never see others but see Christ. Amen. Und es war so, als ob ich damals schon in der das Prinzip von Abraham verstanden habe, wo, ne, wie Abraham beispielsweise, der sich nie mit anderen verglichen hat oder nie andere als eine Bedrohung gesehen hat, weil er immer wusste, dass der Herr sein Versorger ist. Und deswegen hat er sich ja auch für die Einöde entschieden und gesagt, dass sein Neffe ruhig das fruchtbare Land haben kann, weil mein Herr versorgt eh. Also deswegen, ich vergleiche mich mit niemandem und ich sehe auch niemanden als Konkurrenz oder Bedrohung, weil der Herr mein Versorger ist. En fait, c'est comme ça aussi avec Abraham. Tu vas voir que j'ai l'impression que Marius était un peu comme Abraham parce que Abraham aussi, il ne se comparait pas avec les autres. En fait, il savait qui il est et il vivait. Et s'il se comparait, il allait aussi dire que oui, que mon père puisse avoir... c'est comme ça qu'il était aussi capable à dire que son neveu, Lot, puisse avoir même un autre... comment on appelle Slant. La terre qui était plus vaste que la sienne. C'est pas, parce qu'il ne se comparait pas et pour lui, à la fin, ça ne l'intéressait pas. It means anywhere you are, he's preparing you. Das heißt, egal wo du bist, er bereitet dich vor für seinen eigenen Zweck. Ça signifie que n'importe où que tu es, que tu te trouves, lui, il te prépare pour son propre but. Amen. Today's message, the kingdom of faith. Heute geht es um das... Das Thema von heute ist das Königreich des Glaubens. Le thème d'aujourd'hui, c'est le royaume de la foi. The kingdom of faith. Das Königreich des Glaubens. Le royaume de la foi. Christ's kingdom is a kingdom of faith. Das Königreich von Christus ist ein Königreich des Glaubens. Le royaume du Christ, c'est le royaume de la foi. That of Satan is not the kingdom of faith. Aber das vom Satan ist nicht das Königreich des Glaubens. Mais celui du diable, ce n'est pas le royaume de la foi. Is somebody getting it? Amen. You don't need to believe before Satan acts. Du brauchst nicht zu glauben, bevor der Satan agiert. Er zwingt seine Wege dir auf. Tu n'as pas besoin de croire avant que le diable puisse agir, parce que lui, il le fait, il te force, et donc il fait quelque chose avant même que tu puisses le voir. C'est pour cela que tu marches dans la vue. Amen. Christ's kingdom until you believe. In Mark 9:23, quickly go there, please. We have a lot to go through also today. Amen. Mark 9:23. Pour le comprendre, on va le lire à Marc 9:33. Marcus 9:23. 23, pardon. Marc 9:23. Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believeth. Praise the Lord. His kingdom is a kingdom that you must believe. In seinem Königreich musst du glauben. Marc 9, 23. Aussitôt le père de l'enfant s'écriera, disant avec les « Je crois, Seigneur, venez au secours. » Okay. 22, pardon. Ici, en français, c'est 22. « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Praise the Lord. And in John 6, if you go there. John 6. John 6. John 6. Et si on voit Jean 6. Praise the Lord. And that's why to believe is very, very important. Zu glauben sehr wichtig, wenn es um Christus geht. To believe. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de croire dès qu'il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Son royaume. It's not just believing God, but believing the finished work of Christ. Es ist nicht nur an Gott zu glauben, sondern das fertige Werk von Christus zu glauben. Et il ne s'agit pas seulement de croire, mais il s'agit de croire à l'accomplissement de son, oui, de son œuvre. In John 6:26-29. Jean 6:26-29. Johannes 6:26-29. You know, they were looking for Jesus everywhere. Sie haben überall nach Jesus gesucht. Ils ont cherché Jésus-Christ partout. Going from one, you know, from one. From one sheep to another, from one corner to another, looking for him. Sie haben überall nach ihm gesucht, von Schiff zu Schiff. Ils ont cherché Jésus-Christ partout. Ils sont partis de chaque angle. Ils ont regardé. In verse 25, he said, and when they have found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, Where come da? You see, they were looking for him, they now found him. Sie haben nach ihm gesucht und haben ihn gefunden. Ils ont cherché Jésus-Christ partout et maintenant ils ont dit que maître, quand est-ce que vous êtes venu ici? In verse 26, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus-Christ dit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. You are not seeking me because of the spirit, but of the flesh. Ihr sucht mich nicht wegen dem Geist, sondern wegen dem Fleisch. Jésus-Christ a dit, vous me cherchez pas pour l'esprit, pour l'esprit, mais vous me cherchez pour à cause de la chair. You know, people go from church to church today looking for miracles. Leute gehen von Gemeinde zu Gemeinde und suchen nach einem Wunder. Ces jours ici, les gens sont en train de partir des églises à des églises pour voir des miracles. For them, it's all about problem solving. Ihnen geht es nur darum, dass sich Probleme lösen. Eux, ils veulent seulement résoudre leurs problèmes. Résoudre leurs problèmes. What she, he or she believe is the right thing. Oder dass das, oder an das glauben, was sie als richtig erachten. Ou bien ils veulent chercher de trouver ce que eux, ils pensent que c'est la chose qui est bonne, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 27, we say, labor not for the meat which perisheth. The flesh profit nothing. Das Fleisch nützt nichts. Il a dit que travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie. Donc la chair ne te sert à rien. The flesh profits nothing. That's what Jesus is saying here. Das Fleisch nützt nichts, sagt Jesus hier. Verset 27, Jésus-Christ veut dire que la chair ne te sert à rien. It means you don't go to work so that you find money to feed yourself, to pay your rent. Das heißt, du gehst nicht zur Arbeit, Geld zu haben, Miete zu zahlen, um Essen zu haben, sondern das ist Fleisch. Donc, ça signifie que tu ne pars pas travailler pour payer tes factures. Ça, c'est charnel. You go to war for his kingdom alone. Du gehst zur Arbeit wegen seinem Königreich allein. Mais plutôt tu pars travailler pour son royaume. Praise the Lord. Hallelujah. Labor not for the meat that perishes. Amen. Pay your house rent. Pay whatever is outside. You know, buy whatever to make ends meet. Perish it. There are things that profit nothing. Arbeite nicht für die vergängliche Speise, Dinge, die nichtig sind. Ici, il disait travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle. Donc, quand tu pars travailler, tu pars pour payer tes dettes, pour payer à manger, pour payer ceci, cela. Ce sont pour payer des histoires qui ne demeurent pas. You know that some are not paying house rent because that house already belongs to them. But you are still paying doctor's bills. You know, in Nigeria, doctor's bill is even bigger than house rent. Es gibt Menschen, die keine Miete mehr zahlen, weil sie beispielsweise ein Haus gekauft haben. Oder prescription money, what do you call it? Oder the money you use to buy your tablets, drugs to eat, to take, because of your sicknesses and diseases. Mm. So many are more than your house rent. Und nicht jeder zahlt halt Miete oder nicht jeder hat, bei jedem ist der größte Betrag, der weggeht von seinem Gehalt, die Miete. Bei anderen Leuten ist es sogar Medizin, weil beispielsweise die Medizin so hoch ist, so viel kostet, dass sie so viel Geld da rein investieren müssen, damit sie halt für sich am Leben bleiben durch diese Medizin. Il y a autre personne qui part même travailler et qui ne paye même plus leur loyer parce qu'ils ont déjà acheté la maison ou bien ils n'ont pas besoin de payer le loyer, mais ils sont en train par exemple de payer autre chose des ordonnances de médecins, des histoires comme ça. Par exemple en Nigeria c'est aussi ou bien en Afrique c'est aussi il y a beaucoup de fois que les gens sont en train de payer que des histoires pour la santé, chez les docteurs, des ordonnances, des médicaments. Donc ils ont beaucoup d'autres factures, pas seulement le loyer. Money you used to go for holidays. Mm-hmm. No, some they have their priorities. oder auch Geld, womit man halt in Urlaub fährt. Leute haben ihre Prioritäten, haben Dinge, für die sie halt sehr viel Geld ausgeben. Und jeder weiß, hat da was anderes. Food, clothes or whatever. Ja, aussi, chaque personne a ses propres priorités. Il y a aussi des gens qui veulent, qui sont en train de garder l'argent pour partir en vacances. Ou bien même seulement pour acheter des histoires, les vêtements marque. Donc tu vas voir que chacun a ses propres priorités, mais qui sont toujours vanité. Amen. Somehow, someone, for them, it's just savings. They don't want that account to be very big. Andere ist einfach Ersparnisse, dass das ist okay, von Toastbrot und Wasser zu leben. Hauptsache, das Konto ist immer gefüllt. Einfach diese Sicherheit zu haben, dass da halt ne, genug Zahlen halt stehen. Mais il y a aussi autre personne qui travaille seulement pour faire des économies. Donc, ils ne touchent même pas cet argent, mais ils sont en train d'économiser parce qu'ils veulent seulement que ce compte-là avec les économies puisse devenir toujours plus gros, seulement pour savoir que tu as, quelque part, tu as beaucoup d'argent en fait. Ils ne l'utilisent même pas, mais ils veulent seulement avoir une sécurité en fait. You know that the kingdom of heaven trains us. Wisst ihr, dass das Königreich des Himmels uns ausbildet? Mais est-ce que vous savez que le royaume des cieux est en train de nous former? Amen. What you give, what you bring into the house of Christ should be the highest. Das Königreich, so all that should be under. So that will help you to even control things. Amen. I don't know if somebody is getting it. Was du in das Königreich bringst, sollte das Größte sein, weil es hilft dir, das auch als das Größte zu erachten und alles andere darunter zu setzen und dich auch zu kontrollieren, dass alles andere darunter bleibt. Ce que tu emmènes dans le royaume des cieux, ça doit être normalement même plus que ce que toi tu trouves comme ta priorité numéro 1. Et tout ce qui vient derrière, ça doit être en arrière parce que ça signifie aussi là, tu fais voir aussi à l'Éternel que tu es en train de valoriser son royaume. I hope you understand. J'espère que vous comprenez. You know, when you know, anything comes, you bless the house of Christ, anything comes. You know, you say, even the house of heaven, I did not even pay this money. How much money? Amen. It will help you to the field of management. I don't know if you are getting something. Wenn zum Beispiel irgendwas kommt und dann, keine Ahnung, irgendein Preis für irgendwelche, keine Ahnung, für eine krasse Hose beispielsweise und du denkst, okay, aber die Hose kostet mehr als das, was ich in die Gemeinde geben würde, das kann ich nicht kaufen, was soll das? Ne? Dann wirst du es direkt rejecten und nicht wie früher dann einfach mit blind einfach das dann greifen und sagen, ja, die hätte früher das, ich, das ist eine Hose, die habe ich schon lange gesucht, ich kaufe die einfach trotzdem. Nein, weil du halt an dem Kopf hast, dass das, was ins Königreich geht, immer mehr ist, wirst du dich dann kontrollieren können bei anderen Dingen, die früher deine Priorität waren. Amen. En fait, même si par exemple tu achètes quelque chose, tu vois qu'un pantalon coûte par exemple qui est cher et tu veux l'acheter et tu vas te dire toi-même aussi, mais hey, je n'ai même pas donné ce montant-là, je n'ai même pas donné ça à l'église ou bien je n'ai même pas donné ça au royaume des cieux. Combien de plus je veux lui donner pour des histoires qui sont périssables, donc qui périssent ou bien qui sont pas valables en fait, comme un pantalon ou bien une chose, quelque chose de marque. Et ça va t'aider même à avoir un management, comme on appelle, à bien voir prioriser tes histoires. You bless the house of Christ with 100 and you are buying a jacket cost 400. Praise the Lord. You know, it's a labor now for the meat which perishes. Und auch ein Beispiel, keine Ahnung, du gibst 100 Euro in die Gemeinde, aber kaufst dann eine Jacke für 500 Euro. Ne? Da muss man sich halt fragen, wo liegt deine Priorität? Ne? Wofür arbeitest du? Du arbeitest dann anscheinend für die vergängliche Speise. Ici, il dit que, par exemple, tu donnes au Royaume des Cieux 100 $ ou 100 euros, tu es en train d'acheter une jaquette qui coûte par exemple 400 euros ou bien 400 $, quelque chose comme ça. Et lui, il dit ici, il ne travaille pas, non, pour la nourriture qui périt. Et là, si tu fais quelque chose comme ça, tu donnes au royaume des cieux 100 $, et puis tu achètes quelque chose qui coûte plus que ça. Ça signifie que tu es en train de travailler pour quelque chose qui périt. You know, that will even help you to know where your heart is. Und das wird dir auch helfen zu erkennen, wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist. Denn dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Et ça va t'aider à savoir, ou bien à, ça va révéler ton cœur, ça va te faire voir, ça va t'aider à voir où est-ce que ton cœur se trouve, se place. Are you getting it? And that's why, you know, when you talk about money, some people are, see, you just ring their bell. Amen. Amen. Let's continue, verse 27. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. They said they unto him, what shall we do that we might walk the work of God? Verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. To believe. Zu glauben. Jean 6, 29 nous dit que voici l'œuvre de Dieu et demande, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, de croire, c'est ça notre œuvre. Amen. Amen. Again, they were looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht. Ils ont cherché Jésus-Christ partout. That is why so many things today they are looking for Jesus. Und das denken viele Leute. Sie denken, dass sie nach Jesus suchen. Et c'est comme beaucoup de personnes religieuses aujourd'hui sont en train de, ils pensent qu'ils sont en train de chercher. But why are you looking for him? Ah, wieso suchst du nach Mais ihm? Pourquoi est-ce que tu cherches l'Éternel? Amen. Jesus is talking about motive here. He said, your motive, why are you looking for me? Jesus spricht über das Motiv, weshalb sucht ihr nach mir? Et Jésus-Christ parle de tes motifs et te demande pourquoi est-ce que tu cherches. Amen. Amen. They go from one church to another. They go from one pastor to another. Amen. Amen. Sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche. Ils partent de l'église à l'église, d'un pasteur à un autre. Amen. Amen. The 16th. Ils suchen nach dem Christ. Ils sont en train de chercher, poursuivre les choses, mais ils sont pas en train de chercher l'Éternel lui-même. Ils suchen nach Ding und nicht nach Christus. Seek Christ, things will seek you. Aber wenn wir nach Christus suchen, werden die Dinge dich auch suchen. Mais on doit comprendre que si toi tu cherches l'Éternel, les choses vont te poursuivre. You are bigger than those things. Tu es plus grand que ces choses. Parce que toi tu es plus grand que toutes ces choses là. Amen. Amen. And that's why once you seek Christ, those things they must seek you. They look for you. Deswegen, wenn du Christus suchst, dann müssen sie Dinge dich aussuchen. Et c'est pour cela que si tu cherches l'Éternel, toutes ces choses là que tu penses que c'est important, ce sont ces choses là qui vont te chercher. In Mark 16 said, "These signs shall follow them." In Markus 16 sagt er, diese Zeichen werden denen folgen. Mark 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont suivre. Amen. Amen. Miracles follow them. They seek you. They look for you. Sie suchen nach dir. Mark 16 nous dit que ce sont les miracles qui vont te suivre, qui va t'accompagner et ceux qui auront cru en fait. It is automatic. Once you seek Christ, once you continue, it's not just seeking Him once. You continue. The book of James says you continue. You continue, you continue. Change the things they must seek you. Und das wird dich those things. Es ist ein Muss, dass es dich aufsucht, solange du nach dem Königreich suchst, nach Christus suchst. Mm. Et Marc nous dit aussi que ces choses-là vont te chercher, c'est pas toi qui dois les chercher. Donc ça va te chercher si toi tu regardes vers l'Éternel. You know what? If you don't want those things, seek them. Wenn du diese Sachen nicht willst, dann suche nach diesen Sachen. Et si toi tu ne veux pas ces histoires-là, tu dois chercher ces histoires. Amen. Si tu les cherches, tu vas jamais les posséder. The meaning of your seeking them means you don't even want them. Dass du sie suchst, heißt, dass du sie willst. Le fait seulement que tu es en train de chercher et de poursuivre ces choses-là, ça signifie que tu ne les veux pas. Jesus told us how things are to seek us. Jesus hat uns gesagt, wie Dinge uns aufsuchen werden. Jésus-Christ nous a fait voir comment les histoires vont nous accompagner ou bien nous chercher. Seek first the kingdom of God suche and his righteousness. Nach dem Königreich Gottes. And all others will seek you. Und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir nachfolgen. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes autres choses vont te seront données. Donc, ça te sera donné. Ça te sera ajouté. Mais seulement si toi, tu cherches d'abord le royaume des cieux et pas quand tu cherches les choses. Do you know why we are always seeking them? Because we don't even want them. This is happy that we don't want them. We think we want them, but we don't want them. Because if you really need them, if you want them, they are always seek Christ and they will come. Wenn du es wirklich willst, wirst du Christus suchen, wird es dich aufsuchen. Est-ce que vous savez pourquoi on cherche ces choses-là? Parce qu'on les veut pas. Parce que si on croyait vraiment à l'Éternel et on savait vraiment que comment obtenir les choses, on va commencer, nous tous, on va chercher l'Éternel et pas chercher les choses qu'on est en train de poursuivre. Praise the Lord. Hallelujah. Please put something here and go to Mark 16. Marco 16. Partez à Mark 16. From verse 15. On va lire Marc 16 à partir du verset 15. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. The gospel. Amen. Evangelium. The gospel. Il a dit à Marc 16, 15, allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc, prêchez l'évangile. Just like I said, I am the way, the only way, the gospel, my gospel. One, just one gospel. It's not, it did not say different. It means, yeah, it means there should never be any other gospel except his own gospel. The gospel. Er sagt das Evangelium genauso wie es kein nur einen einzigen Weg gibt. Das heißt, es gibt nur ein wahrhaftiges Evangelium, kein anderes Evangelium, von dem er hier spricht. Tout comme il a dit que je suis le chemin, le seul chemin vers le Père. C'est comme ça qu'il dit aussi, allez prêcher l'Évangile. C'est assez, c'est singulier, c'est pas pluriel. Donc il n'a pas dit qu'il a beaucoup d'autres chemins ou bien beaucoup d'autres Évangiles. C'est le seul Évangile. That's why anywhere we go, we preach. Amen. C'est pour cela partout où on part, où on est en train de prêcher l'évangile, le seul évangile. In verse 16. Verset 16. He that believed and is baptized shall be saved. Praise the Lord. Hallelujah. But he that believed not shall be damned. Celui qui croira et sera baptisé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. If you believe and you are baptized, you shall be saved. We spoke to our brother here yesterday. If he believe and is baptized in Christ, he is saved. If not, he's damned. Amen. Wir haben gestern zu einem Bruder gesprochen, gesagt, dass wenn er glaubt und getauft wird, ist er errettet, aber sonst nicht. On a parlé à un frère, on lui a dit que si toi tu crois en Jésus-Christ et tu t'es baptisé en Jésus-Christ, là tu seras sauvé. Mais si tu ne le fais pas, tu es condamné. And this saying shall follow them that believe. Praise the Lord. Alléluia. He did not say that follow pastor. Amen. Or pope, or you know, bishop. Or you know all this, what do you call? Yes, another one again. Deacon. Reverend. Reverend. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All these big now, I don't even know where they are getting it from. Amen. From Satan. Amen. Exactly. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 6 says, and this sign shall follow them that believe. Believers. Everybody. God children, everybody. Once you believe, you get the same result. Mm. You are not different from the pastor. Are you getting it? Mm. The question is, do you believe? Und diese Zeichen werden aber alle begleiten, die gläubig geworden sind. Nicht nur die Leute, die vom Satan irgendwelche Titel bekommen haben, Reverend, Bishop oder irgendwas anderes heißen, sondern es geht um die Leute, die gläubig geworden sind in Christus Jesus. Und die, das ist die Qualifikation. Und wenn die in seinem Namen sprechen, werden Dämonen ausgetrieben und werden sie in neuen Sprachen sprechen. Ici, l'Éternel a dit à Marc 16, 17, et voici les miracles qui accompagneront en tous ceux qui auront cru en mon nom. À ceux qui auront cru en mon nom. Donc, il n'a pas dit seulement au pasteur, ou bien au révérend, ou bien au bishop, quelque chose comme ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit à ceux qui auront cru en mon nom. Donc, nous tous, dès qu'on croit au nom de Jésus-Christ, on aura tous ces miracles qui nous accompagneront. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Verset 18. They shall take off serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Alleluia. You see it. Amen. Is that not wonderful? De 17 à 18, ils nous font voir tous les miracles qui nous accompagneront. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. To believe. Zu glauben. On doit croire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Again, it is not just believing God. Believing God. It is believing the finished work of Christ. Amen. Nicht nur Gott glauben, sondern das fertige Werk von Jesus Christus glauben, an das fertige Werk von Christus glauben. Il s'agit pas seulement de croire ou bien de croire en Jésus Christ, mais il s'agit de croire à son à l'accomplissement de son œuvre. You know, churches today they will say they believe God. Kirchen heute werden sagen, sie glauben an Gott. The Muslims will say they believe God. Muslime sagen, sie glauben an Gott. Il y a des églises qui disent qu'ils croient en Dieu. Il y a des même des musulmans. You know, tu crois en Dieu aussi, il dit ça aussi. All these religious churches, all religion as a whole, we say they believe God. Toutes les religions pensent qu'ils croient en Dieu. But not on the finished work of Christ. All diese Religionen sagen, dass sie an, Jesus, an Gott glauben, aber sie glauben nicht an das fertige Werk von Jesus Christus. Amen. Tous, ils croient en Dieu, mais ils croient pas à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Christ's kingdom is so different. Das Königreich von Christus so anders. Mais le royaume des cieux de Jésus-Christ, c'est vraiment différent. You don't believe it's going to be done. You believe it's already done. Amen. Amen. Du glaubst nicht, dass es getan wird, sondern es schon getan ist in Jesus' Namen. Dans le royaume du Christ, tu ne crois pas que ça sera accompli, mais tu crois que c'est déjà accompli. If somebody gets parce qu'il a dit lui-même que tout est accompli. Amen. Don't be afraid of any confession. Hab keine Angst vor irgendeiner Bezeugung. Because if it is not a deal done, a done deal, you will not say it. Aber wenn es nicht schon eine getane Sache wäre, würdest du es nicht aussprechen. So don't allow the how or when to bother you. Deswegen lass nicht zu, das wie und wann dich aus der Fassung bringen. N'aie pas peur de confesser des histoires, parce que quand tu confesses, tu crois que c'est déjà quelque chose accompli, et c'est pour cela que tu ne dois pas laisser le comment ou le quand de te décourager. Praise the Lord. Hallelujah. Stop seeking things. Seek Him. Hör auf, Dinge zu suchen. Such nach ihnen. Arrête de chercher les choses. Cherche l'Éternel. Amen. Amen. Jesus said to them, "My kingdom is the kingdom of faith." Jesus sagt zu ihnen, mein Königreich ist Königreich des Glaubens. Jésus Christ, il a dit que mon royaume c'est un royaume de la foi. Et tu crois? Amen. Amen. Then in Mark 11, verse 22, say, "Have faith in the finished work of Christ." Und in Markus 11:22 sagt er, "Habt Glauben an das fertige Werk von Christus. Habt Glauben an Gott." Et Marc 11:22 nous dit qu'on doit ayez foi en Jésus-Christ, ayez foi en Dieu. Praise the Lord. Amen. Remind yourself of the finished work of Christ all the time. Erinnere dich an das fertige Werk ständig. Apprenez à vous rappeler toujours à l'accomplissement de son œuvre de Jésus-Christ chaque jour. That is how to get rid of that question. How? Und so wirst du weg, gehst when du weg von will dieser... How are you going to walk? Wie wird es funktionieren? Wann wird es funktionieren? Et c'est comme ça que tu vas chasser cette question dans ta tête chaque jour. Mais quand est-ce que ça va se manifester? À quelle heure? À quel jour? Comment ça va se manifester? C'est comme ça que tu le chasses de ta tête dès que tu te rappelles toujours de son accomplissement, de son œuvre accomplie, qu'il a dit qu'il a déjà tout accompli. Jesus came here and finished everything. Amen. Jesus kam hierhin und hat alles vollbracht. Amen. Jésus Christ, il est venu ici sur terre, il a tout accompli. There is nothing left undone. Amen. Nichts ist ungetan. Il y a rien qu'il a laissé qui n'est pas encore fini. Qu'il a he did bon. Everything. Er hat alles schon getan. Il a tout. Amen. Il a déjà tout accompli. Il n'a pas dit qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de finir ou bien que j'ai. Il a dit que c'est tout est accompli. You know, his kingdom is not he's going to do it. Sein Königreich ist nicht, dass er es tun wird. Dans son royaume, il s'agit pas qu'il va le faire. Jesus could have not said it's finished. Es hätte Jesus nicht gesagt, he es ist vollbracht. It's finished. Aber er hat gesagt, es ist vollbracht. Parce que s'il n'avait pas fini avec son œuvre, il n'allait même pas dire que oui, c'est tout accompli. Il n'allait pas le dire parce qu'il n'est pas un menteur. And it's a great difference between Christ and Moses. Und das ist der große Unterschied zwischen Christus und Mose. Et ça, c'est une grande différence entre Moïse et Jésus-Christ. Amen. It's a great difference between Christ and religion. Ein großer Unterschied zwischen Christus und Religion. Et c'est aussi la différence entre le Christ et la religion. Religion is always going to work. Religion is going to be done. Immer auf dem Modus, es wird getan, es wird passieren, es wird funktionieren. Dans la religion, il s'agit toujours de oui, le Dieu va le faire, l'Éternel va le faire, il va. Mais chez le Christ, c'est pas le cas. The kingdom of heaven is already done. Amen. C'est schon getan, il y a schon eine getane Sache. Mais dans le royaume des cieux de Jésus-Christ, c'est déjà accompli, donc il n'y a rien qui doit encore être fait, c'est tout est déjà fait. Let us learn to live there. Amen. Lass uns lernen, dort zu leben. On doit apprendre à y vivre. Amen. Dans le royaume des cieux. Your confession is the finished work of Christ. Deine Bezeugung ist das fertige Werk von Christus Jesus. Ta confession, par exemple, quand tu confesses, c'est l'œuvre accomplie de l'Éternel. You are not saying it so that it will be done. You are saying it because it has been done. Du sagst es nicht, damit es passiert, sondern du sagst es, weil es schon passiert ist. Tu ne le fais pas pour que ça puisse être accompli ou bien fini. Tu le fais, tu le dis parce que c'est déjà accompli, c'est déjà fini. Amen. Amen. You never give testimony so that it will be done. Your testimony is always so it has been done. That's why you are testifying. Amen. Du gibst niemals Zeugnisse oder Zeugnisse, damit es passiert, sondern du gibst Zeugnisse, weil es schon passiert ist. Tu ne donnes pas un témoignage parce que ça va s'accomplir, mais tu donnes un témoignage parce que ça s'est déjà accompli. A testimony means something that has happened, that you have seen. That is already a done deal. And that's why you are confessing it, you are saying it, you are giving testimony of it. Mm-hmm. It is no, you are not giving testimony so that it will be done. Mm-hmm. You are giving testimony because it has been. Tu donnes un témoignage. Du gibst nicht Zeugnis, damit es passiert, sondern du gibst Zeugnis, weil es schon passiert ist. Tu ne donnes pas un témoignage pour que quelque chose puisse s'accomplir, mais tu donnes un témoignage parce que c'est déjà accompli, c'est déjà fait, parce que tu es témoin d'une chose qui s'est déjà passée. In Satan want to bring any thought into your heart. Remember the finished work of Christ. Wenn er sagt, irgendwelche Gedanken in dein Herz bringe, dann denk an das fertige Werk von Christus. Das macht diese ganzen Gedanken zunichte. Amen. Si le diable veut t'emmener des histoires qui sont un peu qui veut te combattre avec des histoires, toi pense à l'œuvre accomplie de l'Éternel. Il a déjà tout fini. Lerne ihn zu vertrauen. Apprends à lui faire confiance. Learn to trust his finished work. Lerne auf sein fertiges Werk zu vertrauen. Apprends à faire confiance à son œuvre accomplie. Learn to trust what he said. He said it is finished. Learn to trust it. Lerne darauf zu vertrauen, dass er gesagt hat, dass es schon vollbracht ist. Apprends à faire confiance quand il a dit que j'ai déjà tout accompli. C'est maintenant à toi à lui faire confiance, à y croire. Amen. Amen. Everything works by trust. Alles funktioniert durch Vertrauen. Parce que toute chose est en train de marcher selon la confiance. Without trust, you will doubt. Ohne Vertrauen wirst du zweifeln. Parce que sans confiance, tu vas douter. Sans confiance, tu vas pas faire tu vas te douter. Somebody gets in it. That supernatural trust must be there. Dieses übernatürliche Vertrauen muss da sein. Cette confiance surnaturelle en Jésus-Christ, tu dois l'avoir. A supernatural trust means nothing else I can control it. Amen, amen. Das heißt, nichts von außen kann es kontrollieren. Une confiance surnaturelle, ça signifie que l'extérieur ne peut pas le contrôler. It means everything getting worse can never affect it. Das heißt, dass es schlimmer wird, kann es nicht kontrollieren. Une confiance surnaturelle, ça signifie que malgré tu vois que les histoires sont en train de devenir plus graves charnellement, toi, ça t'intéresse pas, tu vois l'esprit, tu vois qu'il a déjà tout fait, tu vois déjà l'accomplissement. You know, Joseph, everything was getting worse. Bei Josef beispielsweise, but alles... Nothing could even affect it. Amen. Wurde schlimmer, aber nichts konnte das... konnte das beeinträchtigen. Tu vois même dans l'exemple de Joseph, tout était devenu plus pire quand il a rêvé qu'il sera levé ou bien il sera quelqu'un de grand. Il a été vendu, il était un esclave, il était parti en prison. Donc toutes les histoires devenaient toujours un peu plus pires. Mais lui, sa concentration c'est vers l'Éternel et c'est pour cela que ça ne pouvait jamais affecter sa foi en l'Éternel. He did not even try to stop any of the things. Versucht die Dinge er hat nicht mal die Dinge aufgehalten, die dafür, die gerade im Gange waren und die eigentlich so wirkten, als ob sie das, was der Herr versprochen hat, eigentlich angreifen oder sogar zunichte machen könnten. Lui n'a même pas essayé d'avoir il n'a pas essayé d'arrêter ou bien de d'empêcher des histoires ou bien des histoires à passer, comment dire, qu'il arrivait par exemple. Il n'a pas dit que oui, on m'a dit que je veux partir dans une prison, je veux empêcher les gens à me mettre dans la prison ou bien faire ceci cela. Il n'a pas fait ça, il a seulement fait confiance à l'Éternel. Il est parti où on l'a jeté, il a toujours il est parti, il a cru à l'Éternel. Later we talk about the test of trust. There's a test of trust. Es gibt eine ein Test. If you really trust from the Lord. Es gibt ein Vertrauenstest. There's going to be test. Wenn du dem Herrn wirklich vertraust, wird es einen Test geben. Si tu fais vraiment l'Éternel, si tu fais vraiment confiance à l'Éternel, il y aura un test que tu vas poursuivre et c'est à toi de surmonter ce test. On va y en parler aussi bientôt. Trust the word. Vertraue auf das Wort. Fais confiance à sa parole. Christ's word. Auf das Wort von Christus. À la parole de Jésus-Christ. Amen. Said the word that I speak unto you, John 6:63. Mm-hmm. Your spirit, your life. Er sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, in Johannes 6, 63, sind Geist und Leben. Dans Jean 6, 36, il dit que les paroles que je vous prêche, que je vous dis, ça c'est, c'est esprit et c'est vie, c'est la vie et c'est l'esprit. Amen. Amen. He did not say they are flesh and they are dead. Hat gesagt, they are Fleisch spirit, und they are Tod, life. Geist und he Leben. Not il n'a pas dit que c'est que je vous dis... c'est chair ou bien c'est la mort. Il a dit que c'est la vie et c'est l'esprit. It means if they are spirit, it will not can change it. Wenn es Geist ist, kann es nichts ändern. Ça signifie que si c'est quelque chose qui est spirituel, c'est qu'il. Are you getting it? Là, sa parole c'est esprit. Ça signifie que personne peut le changer. Remember, the flesh is as grass. Aber das Fleisch ist vergänglich. It's a matter of time if it change. Parce que vous savez, comprenez la différence. Somebody got it. La chair, c'est quelque chose qui va ça périt. Amen. Oui, est périssable. Mais l'esprit ne change jamais. Amen. Then there is their spirit, their life. It means when it is dead, it brings it to life. Alles was tot. Not in dead in Christ. In Christus ist nichts Totes. Et dans l'esprit, ça signifie que c'est quelque chose qui est vivant, parce que dans en Christ, il y a rien qui est mortel. Praise the Lord. Alléluia. Trust Christ. Vertraue auf Christus. Fais confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, trust, I trust you, is a better compliment than I love you. Zu sagen, dass ich dir vertraue, ist sogar noch ein besseres Kompliment als ich liebe dich. De dire que je te fais confiance, c'est un plus grand compliment que dire que je t'aime. Amen. Amen. You know, you may not always trust people you love. Weil manchmal vertraust du nicht Leuten, die du liebst. Parce que dire que je fais confiance à quelqu'un, c'est même plus important de dire que je t'aime. Parce que quelquefois, tu peux même pas faire confiance à quelqu'un que tu aimes. Amen. Amen. But you can always love the people you trust. Alors, tu peux toujours les personnes lieben, der du vertraust. Mais la personne que tu fais confiance, tu peux toujours apprendre à l'aimer. The kingdom of heaven is the kingdom of trust. Tu peux l'aimer. Das Königreich von Christus ist das Königreich von Vertrauen. Le royaume du Christ, c'est le royaume de la confiance. Again, the supernatural trust is based on the finished work of Christ. Dieses übernatürliche Vertrauen basiert auf dem fertigen Werk von Jesus Christus. La confiance surnaturelle de l'Éternel, ça fait partie. Elle est basée sur. Fertige Werk von Jesus Christus. La confiance de Jésus-Christ est basée sur l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Anytime fear comes, remember the finished work. Immer wenn Angst kommt, erinnere dich an das fertige Werk von Jesus Christus. Chaque fois que tu as peur, tu dois te rappeler de l'œuvre accomplie de l'Éternel Jésus-Christ. Doubt. Remember, remind yourself of the finished work. Angst, Unglauben, Zweifeln, erinnere dich an das fertige Werk von Jesus Christus. Chaque fois que tu as peur, tu as des doutes ou bien tu ne sais pas quoi faire, rappelle-toi de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Trust the finished work. Vertraue auf das fertige Werk von Christus. Fais confiance à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. And he himself loves this trust. Und er selbst liebt dieses Vertrauen. Et lui-même, il aime cette confiance. He loves. And he wants you to trust on his finished work. Er möchte, dass du dich auf das fertige Werk von ihm verlässt. Jésus-Christ, il aime et il aime quand tu lui fais confiance et il veut que tu puisses vraiment faire confiance à sa à son œuvre accomplie. The first church failed because they refused to trust him. Die erste Gemeinde ist gefallen, weil sie sich geweigert haben, den Herrn zu vertrauen. La première église, elle est tombée parce que ils n'ont pas aimé de faire, ils ont pas voulu faire confiance à l'œuvre accomplie de l'Éternel. Amen. Ja, à l'Éternel. Und das sehen wir überall, dass sie versagt haben, weil sie nicht vertraut haben. Et ça, on le voit partout dans la Bible que eux, ils ont vraiment échoué parce qu'ils n'ont pas fait. Amen. Amen. In Psalm 78, then also Hebrew 4. Let's go to that of Hebrew. Hebrea. Amen. On va lire Hébreu. Hebrew 4. Hebrea 4. Hébreu 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 1. Hebrews 4:1. Hebrews 4, verse 1. It says, let us therefore fear, lest a promise be left us of entry into his rest. Any of you should sin to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, nor be mixed with faith in them that heard it. Verse 3. For which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath. If they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They failed because they refused to trust him. Sie haben versagt, weil sie sich geweigert haben, ihm zu vertrauen. On voit qu'ils ont échoué parce qu'ils ont refusé de faire confiance à l'Éternel. Love was not their problem. Liebe war nicht ihr Problem. L'amour, c'était pas leur problème. Their problem was trust. Ihr Problem war Vertrauen. Leur problème, c'était la confiance. Amen. Amen. Even the Lord, he always know that you love him through your trust. Until you trust him, he cannot see that you love him. Der Herr sieht, erkennt, dass du ihn liebst durch das Vertrauen, das du ihm schenkst. L'Éternel, lui, il reconnaît que tu l'aimes quand il voit que tu lui fais confiance. Parce que si tu ne lui fais pas confiance, il ne va même pas voir ton amour. Unbelievers refuse to believe him. Ungläubige weigern sich, ihm zu vertrauen. Les incroyants, les païens, ils sont en train de refuser de lui faire confiance. But the so-called believers refuse to trust him. Les sogenannten Gläubigen weigern sich auch, ihm zu vertrauen. Mais les soi-disant croyants, eux aussi, il refuse de lui faire confiance. Is somebody getting it? Mm-hmm. Unbelievers refuse to believe him. Ungläubige weigern sich, ihm zu glauben. Les incroyants sont les païens sont en train de refuser de lui croire. The so-called believers, die sogenannten Gläubigen, weigern sich, ihm zu vertrauen. Et les soi-disant croyants, eux aussi, ils refusent de lui faire confiance. It's some. You know, trust is everywhere all through the Bible. Vertrauen ist überall. Let's go to Psalm 37. La confiance, c'est partout dans la Bible. Amen. Psalm 37. On va lire à Psaume 37. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we there, please? From Psalm 37, 1. He said, afraid not yourself because of the evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Don't jealous them. Sei nicht eifersüchtig auf sie. There's nothing there to jealous. Es gibt nichts, worauf man eifersüchtig sein muss. Ici, il dit, n'héritez pas au sujet des méchants et ne portez pas envie à ceux qui font du mal. Donc, faut pas les envier. No matter, you know, whatever they have, no matter how good they are dead. Was immer sie auch haben, egal wie gut es ist tot. Envy. Are you getting envy? Me? Okay, Envy, thank you, Schatz. Du kannst das Tote nicht beneiden. Donc, tu ne peux pas envier le mal, parce que n'importe ce que eux ils ont, c'est ça, c'est la mort. Ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, c'est pas de Jésus-Christ, donc c'est de la mort. Et toi, tu es en train d'envier la mort, donc ça n'a pas de sens. Amen. Amen. No matter what they have, they are all dead. So to envy them is irrelevant. Was immer sie haben, es ist tot. Deswegen es zu beneiden ist sinnlos. Es macht keinen Sinn. Es ist zwecklos. Parce que n'importe ce qu'ils ont, c'est la mort. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens vraiment de les envier. To be jealous of them is irrelevant. Eifersüchtig auf sie zu sein ist irrelevant. Avoir ou bien les envier, par exemple, c'est pas irrelevant. All you need to do is just remind yourself that what they have is dead. Was du tun musst, ist dich daran zu erinnern, dass das, was sie haben, ist tot. Egal wie schön es ist. Et la seule chose que tu as à faire est de te rappeler que n'importe tout ce que les païens ont, c'est mort. Et ça va même te dégoûter. Is somebody getting it? Und das wird dein Herz davon auch wegnehmen. Et ça va même enlever ton envie, donc tu vas même pas avoir envie d'être comparé à eux. Ça va te, oui, ça va te dégoûter. Amen. Is there never been thou envious against the workers of iniquity? Are you getting it? Ereifere dich nicht. Don't pray to have what they have. Übeltäter, bete nicht darum, bitte nicht darum, die gleichen Dinge wie sie zu haben. Ne portez pas envie à ceux qui font le mal. Donc, ils sont en train de faire du mal. Ce sont les gens qui sont morts. Et toi, tu as envie d'eux. Ça te sert à quoi? Amen. Amen. They, you know, they are taking them in Washington. They are doing this for, you know, he said, for they, look at verse 2. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green hay. You see it there? Yeah. Amen. You will not want that. Diese Menschen kriegen Angebote, kriegen, kriegen Jobs, kriegen Dinge, kriegen Geld, kriegen all diese Sachen. Aber ihr Ende naht. Also sie... sie verdorren so wie das Gras, sie verwelken so wie das grüne Kraut, weil sie vergänglich sind, weil es Fleisch ist. C'est ces gens-là que tu es en train d'envier quelquefois, toutes ces personnes-là, elles sont en train de partir à Dubaï, en Amérique. Mais ici, la Bible nous dit, verset 2, « Car comme l'herbe, ils seront vite coupés, comme la verdure du gazon, ils se dessécheront. » Donc, ça signifie que tu es en train d'envier les gens qui sont en train de prendre leur source, c'est la mort. C'est qu'ils sont en train de poursuivre. Et tu vas avoir, tu voudras même pas vouloir avoir le même résultat qu'eux. Trust in the Lord, verse 3. Mets ta confiance en Yahweh. Trust your father. Vertraue deinem Vater. Fais confiance à l'Éternel, à ton Père. Trust his finished work. Vertraue auf sein fertiges Werk. Fais confiance à son œuvre accomplie. Trust he loves you. Vertraue darauf, dass dich liebt. Fais confiance qu'il t'aime. Trust he never leave you, never forsake you. Vertraue darauf, dass dich niemals verlässt. Fais confiance qu'il ne va jamais te délaisser ou bien te t'abandonner. Trust that he has your picture in his portemonnaie. Vertraue darauf, dass dein Passbild in seinem Portemonnaie trägt. Fais confiance qu'il a même une photo de toi dans son porte-monnaie pour te faire. Amen. Amen. He have you in his heart. Er hat dich in seinem Herzen. Amen. Parce que l'Éternel, il t'a dans son cœur. He have a thought towards you. Dass Gedanken über dich hat. Dass dich Gedanken über dich macht. Lui, il pense toujours à toi. A good thought. Gute Gedanken. Et ses pensées envers toi, ce sont des pensées de la vie. A good thought towards you. Amen. Des bonnes pensées envers toi. Praise the Lord. Amen. Trust in the Lord and do good. Amen. How do you do good? Trust him. Continue to focus on him. Ici, il dit que verset 4 était dit, mets confiance à Yahweh et fais le bien. Et comment est-ce que tu fais le bien? Et c'est quand tu le fais confiance, c'est ça que tu peux faire. Amen. Amen. And also say to people how good he is. On sage aux gens wie gut est. Et puis dire aussi aux gens à l'extérieur comment ton père est bon. Amen. Amen. The only good that you can give people is their salvation. Das einzige Gute, was du Leuten geben kannst, ist Errettung, nicht Geld. La seule bonne chose que tu peux donner aux gens. C'est le salut, c'est vraiment la vérité de l'Éternel Jésus-Christ. C'est pas de l'argent, parce que l'argent, ça va finir, ça va partir. Mais c'est le salut. There's nothing bigger than Christ. C'est quelque chose de plus grand que Christ. Mais il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He says, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Amen. And that's how you are going to do it. That's how you are going to live in his kingdom. Vers 3. Ah, okay. Und so wohne, genau, wohne im Land und übe treuer, so wirst du leben in Christus. Habiter, verset 3, la deuxième partie nous dit, habite le pays et jouis de sa fidélité. How to live in the kingdom of heaven is by trust. Wie wir im Königreich des Himmels leben, ist durch Vertrauen. Comment est-ce qu'on vit dans le royaume des cieux, c'est quand on lui fait confiance. Praise the Lord. Alléluia. Verse 4, it says, delight yourself also in the Lord. And he shall give thee the desire of your heart. Amen. Delight. You must delight yourself in the Lord. Deine Lust am Herrn. Du musst deine Lust am Herrn haben. Il dit ici, verset 4, fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc fais de lui de ton tes délices. Verse 5. Commit your way unto the Lord. Trust also in him. Are you getting it? Trust him. Verset 5. Remets ton sort à Yahweh et confie-toi en lui. Il agira. Donc, amen. Tu vas te confier en lui. And he shall bring it to pass. Verset 6. And he shall bring forth your righteousness as the light. And your judgments as the noonday. Verset 7. Rest in the Lord. Praise the Lord. You know how to trust him. You know, once you are trusting him, you rest. Wenn wir ihm vertrauen, dann ruhen wir uns aus. Verset 7 nous dit, tiens-toi en silence devant l'Éternel et reste en lui. Donc ça signifie que comment lui faire confiance et quand toi tu lui fais confiance, quand tu lui fais confiance, tu te reposes en lui, tu te tiens en lui. Amen. Amen. How to rest. Wie wir uns ausruhen im Königreich des Himmels. Comment se reposer dans l'Éternel Jésus-Christ, c'est quand tu lui fais confiance. Indem wir ihm vertrauen. Amen. Amen. Once you are trusting him, you are resting. Wenn wir ihm vertrauen, dann ruhen wir uns aus. Parce que quand tu lui fais confiance, c'est comme ça que tu te reposes. Rest in the Lord and wait patiently for him. Praise the Lord. Amen. Stop looking at the time, the year, the, you know. Stop looking at things. Hör auf die Zeit, auf das Jahr, auf irgendwas zu schauen, außer ihn selbst. Verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ça signifie que quand tu lui fais confiance, tu as ton silence devant lui, tu te reposes en lui et tu ne regardes pas l'heure, tu ne regardes pas le temps, l'année ou bien le comment, tu ne regardes pas gauche à droite parce que tu regardes seulement vers lui. Start thinking of how you wanted your life to be. Hör auf darüber nachzudenken, wie dein Leben, past, you know, wie dein Leben. I'm 20, I'm this, I'm 21, I'm this. I just thank the Lord I'm not those things. Just thank him that you are him alone to me. Amen. Hör auf dein Leben zurückzuschauen, jetzt zu denken, wie ich hätte gern leben wollen, wie ich hätte gern Dinge gemacht haben wollen. You want to achieve it. You want Satan to achieve it. Weil der Satan hat auch einen Plan für dein Leben. Und wenn wir nicht auf Christus schauen, werden wir uns nach diesem Plan sehnen. Arrêtez de regarder en arrière et dire que moi, j'avais planifié ma vie comme ça. Je voulais, à 25 ans, je voulais avoir ça. 28 ans, 30 ans, je voulais avoir ceci, cela. Arrête de regarder l'Éternel et remercie l'Éternel que tu ne l'as pas fait, que maintenant, ta concentration, c'est seulement lui. Que tu as maintenant, je ne sais pas quel âge que tu as, mais ta concentration, c'est lui. Et ce n'est pas les plans que tu as fait avec l'aide du diable. Parce que planifier sa vie soi-même, c'est, tu le fais avec l'aide du diable. Mais laisser l'Éternel le planifie. Là, tu ne peux même pas savoir ce qu'il a le lendemain pour toi. Tu sais seulement que ça sera bien. The best planner is Christ Jesus. Amen. The best planner is Christ Jesus. Amen. Er weiß, wie man Dinge plant. Fais confiance et sache que lui, il est la personne qui peut mieux. You have the planner. Allow him to plan. Du hast bis jetzt geplant, aber lass zu, dass er jetzt plant. Jusqu'à présent, c'est toi qui avais planifié toute ta vie. Mais maintenant, tu dois vraiment laisser l'autoriser à planifier pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Just thank the Lord that your plan did not work. Danke dem Herrn, dass dein Plan nicht funktioniert hat. Toi, remercie l'Éternel que tes plans ne se sont pas accomplis. Maybe you could have also you've already been in your grave. Vielleicht wärst du schon in deinem Grab. Parce que peut-être tu allais déjà être mort si tu avais planifié, si tes plans étaient ça allait s'accomplir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Rest in the Lord and wait patiently for him. Free not yourself because of him who prospereth in his way. Are you getting something here? He's prospering. He's having money. He's having children. Mm. He's having everything in his own way. The way that is not Christ's way. Mm. Live there. Erzürne dich nicht über den, den dessen Wege gelingen, weil sie im Teufel, weil sie vom Fleiß sind, der Kinder vom Teufel kriegt, der Ehen durch den Teufel schließt, der Geld durch den Teufel verdient. Mm. Erzürne dich nicht darüber, sei nicht eifersüchtig auf sowas. Mm. Verset 7, la deuxième partie nous dit que ne t'irrite pas au sujet de celui qui prospère dans ses voies, de l'homme qui réussit en ses intrigues. Ça signifie que tu es en train d'envier des gens qui ont, par exemple, qui sont à gauche, à droite, qui ont beaucoup d'argent là, et qui sont en train de voyager, je ne sais pas jusqu'à quand, mais tu es en train de les envier, mais tu ne sais pas que leur voie ou bien le chemin qu'ils ont pu faire pour obtenir ces résultats, ce sont des voies ou bien des chemins mortuels, par exemple. Et toi, un enfant de Dieu, tu es en train de l'envier. C'est vraiment, c'est pitoyable. Praise the Lord. Hallelujah. I love this verse 7. Possible. Amen. Merci. Rest in the Lord. And wait patiently for him. Oh, Daddy. Amen. Verset 7 nous dit que reposez-vous en l'Éternel et attendez patiemment, en patience à l'Éternel. Halte still, sei nicht in Eile. Allow those that are running to keep on running. Lass die Leute an dir vorbeirennen. Laisse les gens qui sont en train de vouloir faire des courses. Laisse-les faire des courses parce que là, tu ne fais pas une course avec eux. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. You know your age more than you know your age. Amen. You know the time more than you know the time. Und all das you know everything. Lui te connaît, il te connaît vraiment mieux que toi-même tu te connais. Il connaît ton âge, il connaît ton temps, il connaît tes plans, il connaît tout. Et fais-lui confiance qu'il sait somebody que les choses Amen. Vont s'accomplir. Amen. Amen. Not the time we are now. Quelle Zeit nehmen wir uns jetzt befinden? Tu dois connaître le temps où on est en train de se retrouver maintenant. The time when he is the doer of everything. Die Zeit, in der der Vollbringer ist von Adam. He was the doer of everything for Adam. Genauso wie vor dem Sündenfall. Er war Adams Versorger rundum. Tout comme avant la chute de l'homme, lui, il était la personne qui prenait soin de Adam, et c'est comme ça qu'il va prendre soin de toi. Adam never knew anything about wife. Adam wusste nichts über Ehe oder einer Frau. Adam ne savait pas qu'il devrait avoir peut-être une femme ou bien se marier. Amen. Amen. Amen. It was God that even introduced all of them to him. Gott hat ihm alles erklärt oder ihm alles vorgestellt, besser gesagt. C'est Dieu lui-même qui a même tout introduit, toutes ces choses-là, les animaux, la terre, la femme. Mais c'est Dieu lui-même qui a introduit toutes ces choses-là à Adam. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It was God that introduced everything to him. C'est Gott, der ihm alles vorgestellt hat. C'est l'Éternel qui a tout présenté, toutes ces choses-là à Adam. Amen. Amen. Allow him to be the one that introduces you to everything. Lass zu, dass der Herr ist, der die Dinge vorstellt. Laisse vraiment que l'Éternel qui puisse être la personne qui va te présenter toutes ces choses-là, tous ces plans qu'il a pour toi, tous ces rêves qu'il a pour toi. Allow his time to be your time. Lass zu, dass seine Zeit deine Zeit ist. Permet à l'Éternel que son temps puisse être son temps puisse être ton temps. Allow him to say, I want it for you. Lass zu, dass sagt, ich will and not you want it by force. Permet l'Éternel à te dire que c'est moi qui veux ces choses-là pour toi et pas qu'ils te disent que oui, je te le donne parce que toi-même tu voulais ça. Amen. Oui. Amen. Amen. Allow him to join you together. Lass zu, dass dich zusammenbringt. Permet lui à vous réunir ou bien te réunir avec ce que lui il veut pour toi. Mit den Dingen, die hat für dich. Amen. It is only who he brings together that is forever. Et nur das, was Amen. Zusammenfügt, kann für immer zusammenbleiben. Parce que c'est seulement ce que lui il met ensemble qui peut rester pour toujours, qui peut demeurer pour toujours jusqu'à lui. You know this word. What God have joined together. What God, what Christ have joined together, not here can put asunder. Amen. Was Christus zusammengefügt hat, das kann nichts trennen. Der einzig wahrhaftige Gott ist Christus Jesus. Parce que tout ce que l'Éternel a mis ensemble, c'est ça qui reste pour toujours, pas ce que l'être humain a fait par lui-même. It means your motive of being one, your being a husband and wife is Christ. Everything is based on Christ, Christ, Christ, Christ, Christ. Everything. Your value. Deiner Gemeinschaft. And any problem you is Christ. If you go to Christ, the solution is Christ. Und die Lösung ist auch Christus. Donc ça signifie que tout ce qui te qui s'agit de toi et même de ton mari ou bien de ton histoire. Il dit par exemple, toi et ton mariage, ça doit être l'Éternel. Donc, chaque étape que tu es en train de poursuivre ou bien d'avoir, que ça soit lui-même, c'est lui qui te dit maintenant c'est le temps de te marier, maintenant c'est le temps de ce travail, maintenant c'est le temps d'avoir les enfants. C'est lui qui doit te le dire, qui doit te le présenter. Amen. Amen. Reserve and rest in the Lord. And wait patiently for him. Free not yourself because of him who prospered in his way. Because of the man who bringeth wicked devices to pass. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Is somebody getting it? Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you are enjoying it. Ich hoffe, ihr genießt und versteht die Botschaft. Amen. Amen. In Isaiah 26, verse 3. J'espère que vous le comprenez. In Isaiah 26. Et vous le savourez. Isaiah. Esaïe. Good at this. Isaiah. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. Verse 3. Esaïe. Which one? He said that we keep him in perfect peace. 26. Verse 3, please. Esaïe 26, verset 3. Whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. You see the trust there. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il il se confie en toi. How to have peace. Wie man Frieden hat. Comment avoir la paix? By trusting the finished work. Indem wir an das fertige Werk von Christus glauben. Tu as la paix quand tu fais confiance à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Are you getting it? How to have peace by trusting the finished work of Christ. Wir Frieden haben, indem wir an das fertige Werk von Christus glauben. Es ist eine getane Sache. Tu as confiance à l'Éternel quand tu as la paix quand tu fais confiance à son œuvre accomplie, quand tu sais que c'est vraiment fini, qu'il a déjà fait ça et que tu n'as pas besoin à te soucier. C'est comme ça que tu as la paix. And Proverbe 3, please. Proverbe 3. Please, Proverbe 3, 1 to 26. Read it yourself at home. Amen. Amen. Your homework. Proverbe 3. No, we will not go through all. Amen. Proverbe 3. From 1 to 26. 1 bis 26. Proverbe 3, 1 jusqu'à 26. Lisez ça à la maison vous-même. Isaiah 26, 3. Now we are at Proverbe 3. From 1 to... We're going to see. Praise the Lord. Yeah. Proverbe 3, 1 to 26. Please read it yourself. That's... We are going to go just to verse 3, verse 5, I mean. Donc, Proverbe 3, de 1 à 5, de 1 à 26, lisez ça à la maison. Et maintenant, on va lire Proverbe 3, 5. 3, 5. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this proverb here revealed that, just talking about Christ. Hier in Sprüche geht es einfach um Christus. Ici, dans Proverbe 3, dans ce chapitre, il s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Amen. In verse 15, says she is more precious than rubies, and all the things thou can desire are not to be compared unto her. It's talking about Christ Jesus. Es geht hier um Christus. Er ist kostbarer als Perlen, und all deine Schätze sind nicht zu vergleichen mit ihm. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lui, il est vraiment très précieux, notre Éternel. Verse 16 is saying the same. It says something also that, you know, it's talking about Christ Jesus. Also. Everything here. Length of days is in her right hand, and in her left hand, riches and honor. It means all you need is him. Das heißt, alles, was wir brauchen, ist in ihm. Ne? Denn Recht und langes Leben ist, ist in seiner Hand. Reichtum und Ehre auch. Si on lit Proverbe 3, 15 et 16, surtout celle-ci, on voit qu'il dit dans sa droite et une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, ça signifie que tout ce qu'on a besoin, ça vient en lui. Parce qu'en lui, on a toutes ces choses-là. You see that? Verse 16 is telling you that all you need is Christ in you. Amen. Let us to live long. Verset 16 nous dit que tout ce qu'on a besoin, c'est justement Jésus-Christ lui-même. Amen. La richesse ou bien une longévité. Amen. Amen. And riches and what they pursue. We see, you know, it's already here. Alles, was, wonach die Menschen suchen, what they look for, what they seek. Donc tout ce que ces gens sont en train de chercher, la richesse, une longue vie, c'est pipapo. Donc tout ça, tu as ça, tout ça en Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui est la source. And that's why once you seek him, it is a more those things must seek him. Also, wenn du ihn suchst, es ist ein Muss, dass diese Dinge dich dann aufsuchen werden. Et c'est pour cela, dès que tu cherches l'Éternel, c'est une obligation que toutes ces histoires-là vont te chercher, parce que en lui se trouvent toutes ces choses-là. Donc ça va te chercher en retour. Verse 5. Verset 5 maintenant, au Proverbe 3, verset 5. Trust in the Lord. Amen. With all your heart. Don't allow whatever is happening there to bring doubt. Vertrau auf den Herrn mit all deinem Herzen. Lass nicht zu, dass das, was passiert, Zweifel. Everything works for this. Il dit ici, verset 5, il te dit que fais-lui confiance avec donc de tout ton cœur. Ça signifie que ne permets à rien aller de l'extérieur qui pour venir à te donner des doutes, à te faire de douter. Whoever believed that evil prison will be a victory for Joseph. Wer hätte gedacht, dass dass das Gefängnis Erfolg bedeuten würde für Joseph? Qui allait croire, oui bien, qui allait cru, qui avait cru que même la prison pour Joseph, ça pouvait être une victoire. Ça n'a pas de sens pour l'être humain. Trust in the Lord. Vertrau auf den Herrn. C'est pour cela, c'est important de instead faire confiance of doubting him, believe him more. Statt ihn anzuzweifeln, glaube an ihn mehr. Au lieu de lui douter, croyez en lui de plus. If anything, even your money is you are not the one paying anything, he is the one paying it. Und selbst bei deinem Geld, bei deinen Finanzen, du bist nicht derjenige, der irgendwas zahlt. Er ist es, der es zahlt. Même tes finances, c'est pas toi qui es en train de payer toutes ces histoires que tu as à payer, c'est lui qui le paye. You know when we fail our exam, well, maybe a driver's license, you fail it one, you fail it two times, you fail it three times. You know, parents are always angry. They are not angry that you fail. They are angry that you are spending money. Und wenn du beispielsweise deine Fahrprüfung verhaust zum ersten, the problem is not you fail. If you are failing 100 times without paying, then we don't even bother. But money is going. The problem is the money. Are you getting it? But for Christ, for God's family, that money problem should never even be there. Because the Lord is the one paying. Amen. Wenn du zum Beispiel zum ersten und zum zweiten, zum dritten Mal deine Führerscheinprüfung verhaust, ne, wenn die Leute, ne, deine Familie, die Menschen, die dir geholfen haben, das zu finanzieren, sich ärgern und sich denken, wieso verhaust du das ständig? Ne, weil sie halt auch an das Geld denken, was dabei die ganze Zeit flöten geht, weil es immer wieder mehr, immer kostet und kostet. Und ihnen geht es nicht darum, dass du einfach bestehst, weil das halt auch einfach sehr viel Geld mit sich spielt. Aber im Königreich von Christus sollten wir niemals so Dinge werten oder Dinge so sehen und uns auf das Geld fokussieren, weil der Herr ist unser Versorger. Amen. Par exemple, quand tu as ton permis de conduire, par exemple, et tu es en train d'échouer plusieurs fois, il y a, ici en Allemagne surtout, il y a des parents qui sont toujours fâchés, ils disent, mais pourquoi tu as encore échoué une troisième fois, une quatrième fois, est-ce que c'est normal ça? Mais eux, ils ne sont pas fâchés à cause, parce que tu as échoué, mais ils se fâchent normalement parce que c'est vraiment très cher ici, parce qu'ils doivent encore payer de plus. Et c'est pour cela, on doit vous savoir que dans une famille royale où l'Éternel est le milieu, ou bien c'est lui qui est le maître, c'est lui qui prend soin de nous, on ne doit même pas être triste parce que, ou bien se fâcher parce qu'on est en train de payer ça, parce que ce n'est pas nous qui sommes en train de payer ça, mais c'est lui-même qui le paye.